Une nuit sans toi est une nuit de peine. Tes yeux noirs me fascinent et ta beauté m'enchaîne, jolie Gwen. Une nuit sans toi est une nuit sans joie. Tu es maître dans mes bras et ils sont accros à toi, jolie Gwen. Une nuit sans toi est une nuit sans vie. Vivement que l'on s'évade à la Villa Pompée, jolie Gwen. Nous partirons ensemble visiter les tourbières, loin des rues balises et des ruptures saladières, jolie Gwen. Une nuit sans toi est une nuit en vain. Nous surmonterons ensemble tes sentiments éteints, jolie Gwen. Nous surmonterons ensemble tes sentiments éteints, et un jour j'entendrai « Je t'aime » un beau matin. Et puis, un matin, tu me diras, je t'aime, jolie Gwen. Oh, jolie Gwen.